Fin de semaine, la dernière fois je me suis fait braquer. Tu parles beaucoup toi, mais tu ne fais que te rétracter. Moi je suis pensif, mais toi t'as un dans le slip. Je m'en fiche, je ferai du bif, car c'est ce que les gens disent. Je suis rusé comme un renard, dès que j'arrive on me remarque. Et Renoir, je balance que des grenades. Je veux de l'argent, c'est l'heure de l'argent, j'ai l'air censé. C'est énervant, me laisse tomber. Oh mamma mia, c'est la bande à Ouira, tu m'iraves, c'est bon, vois les milliards. Brah, c'est l'effet de groupe, viens avec nous dans la vibe. Ensuite t'auras les fesses rouges, y'a ODD et la flève. On te déche par la fenêtre, on l'a fait afin que tu puisses voler tes propres ailes. Reste zen, zoom zoom sur ma pute, je la fends zoom zoom. Alors si tu me saoules, fume de la peu. Ha, shit, this is a promo, nightmare. Volume 1, 1, 1. 132.